saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Tunamshukuru Mungu. Parce qu'il a gardé chacun de nous. Kwani alichunga kila mmoja wetu. Nous sommes séparés depuis dimanche. Tuliachana tangia siku ya Juma. Et cet après-midi. Na imangaribi ya leo. Il a conduit nos pas en ces lieux. Arongoza matua yetu pa hifadhi. Pour écouter sa parole. Juu ya kusikia neno lake. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Et pour la lecture de la parole. Na juu ya kusoma neno la Mungu. Mwenyezi Mungu na mfalme. Wewe peke uko baba wa maroho zote. Tuko na kubariki na tuko na kupia asante kwa kila kitu unafanya kwetu kinyi kwa kizuri. Asante juu ya kazi kubwa ya wokovu uweze kufanya. Asante kwa kuweza kuituita huyu mjimbo wakati ya magharibi. Juu tupate kuya mungamba wale ambao watapartisipe kunyanyuliwa. Utusaidie e Bwana, utufundishe manjia yako. Na maisha yetu ipate kutembea sawasawa nawe. Venye kutimiza mapenzi yako na ili shiku ambao utaonekana pa mawingu. Bariki kila nduku na kila dada. We mwenye kujua itaji yetu. Utujibu Seigneur, jufra yetu ipate kwa kamilifu. Tuko na kualika juu ulisema fashi pana kusanyika watu wawili au watatu katika jina lako. Wewe utakuwa pale. Haina mjina ya parti politiki. Au mjina ya kabila fulani. Haina biashara tunakufuata hapa. Na tunakusanyika mjina la Yesu Kristo. Huyu sasa usemeshane nasi. Juu ya utukufu ya jina lako. Juu ya maendeleo ya falme ya mbingu. Na juu ya wokovu wetu. Bariki neno ambayo itasomewa. Mujina la Yesu Kristo tunakuomba hivi. Amen. Deuxième Chronique au chapitre 18. Mambo ya siku ya pili sura yake 18. Deuxième Chronique au chapitre 18. Mambo ya siku ya pili sura 18. Nous commençons verset 1. Dans un mustari ya kwanza. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Josaphat alipata katika wingi mali na utukufu. Et il s'allia par mariage avec Akab. Na akafanga muungano kupitia ndoa na huyu Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Kisha miaka fulani akashuka kwenda kumuona Akab mule Msamaria. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Na Akab akamuia pamoja naye na ile kundi yote ya watu walikuwa naye ba kondo mingi na ba ngombe mingi. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galate. Na akamuomba bapate kwenda naye kule ku Ramoth ku Galate. Akab roi d'Israël dit à Josaphat. Akab mfalme wa Israël akamwambia Josaphat. Roi de Juda. Mfalme wa Yuda. Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Et tu n'avais kwenda pamoja nami kule ku Ramoth ku Galate? Josaphat lui répondit. Josaphat akamjibu. Moi comme toi. Mie pamoja na wewe. Et mon peuple comme ton peuple. Na taifa yangu pamoja na taifa yako. Nous irons l'attaquer avec toi. Tutenda kumkombanisha pamoja nawe. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Depuis dimanche, nous avons traité le comportement de Josaphat lorsqu'il devint roi. Tangia siku ya Yenga tulisema yulu ya namna ya kutenda Josafati kisha yeye kuwa mfalme. Josafat était un très bon roi. Josafat alikuwa mfalme mzuri mwema. Un roi qui marcha entièrement dans les voies du Seigneur. Mfalme ule alikuwa anatembea kabisa kabisa munjia ya Bwana. Son cœur était très attaché à l'Éternel, son Dieu, le Dieu de son père. Moyo wake ilambatana sana na wa milele Mungu wake, Mungu wa baba yake. Il a marché dans la crainte et il honorait le peuple et tous les serviteurs. Alitembea katika boka na alikuwa anaheshimia watu wote na watumishi wote. Lui-même suivait les commandements de l'Éternel sans imiter le comportement du royaume de Juda, du royaume d'Israël. Yeye mwenyewe alikuwa anaogopa wa milele bila kufuatilisha mwenendo ya batu ya ufalme wa Israeli. Dans son cœur, il ne voulait pas chercher les balles. Mumoyo wake asikupende kutafuta bali. Mais il cherchait l'Éternel dans tout ce qu'il faisait. Alakini alikuwa anamtafuta wa milele moyote ile alikuwa anafanya. Son royaume s'affermit davantage. Ufalme wake ulitiwa nguvu zaidi. Il y avait des hommes de Dieu qui enseignaient la loi au peuple. Kulikuwa watumishi wa Mungu walikuwa wanafundisha sheria ya Mungu kwa taifa. Qui les enseignait aussi la crainte de l'Éternel. Walikuwa wanawafundisha tena boka bwa milele. Et son cœur grandit dans les choses de Dieu. Na moyo wake ilikomala mubitu ya Mungu. Et Dieu avait soutenu cet homme de Dieu d'une manière merveilleuse. Na Mungu alimsaidia huyu mtumishi wa Mungu mnamo na moyo ya mastajabu. Nous avons aussi commencé à montrer les fautes du roi Josaphat. Tulianza tena kuonesha makosa ya huyu mfalme Josaphat. Après qu'il ait acquis beaucoup de richesses et de la gloire, kisha kupata mali mingi na utukufu mingi, il s'allia, comme l'avons lu, par mariage avec Akab. Alifanya muungano paka vile tulisema na Akab kupitia ndoa. Et c'est la pensée sur laquelle nous sommes arrêtés. Na ni pa hii wazo njo pale tulisimamia. Pour dire à l'Église, je connais au Kanisa, un véritable chrétien ya kwamba mukristo wa kweli ne peut pas épouser un rétrograde. Hawezi kamwe kuoana na mtu mwenye kurudi nyuma mwimani wala mwenye kuanguka. Un véritable enfant de Dieu mtoto wa Mungu wa ne peut jamais aller épouser un apostat. Hawezi kamwe kwenda kuoana na mtu mwenye kuacha imani. Il ne peut pas épouser une méchante personne. Hawezi kuoana na mtu mbaya. Certainement, il aura des ennuis. Hakika atakuwa na vikwazo. Nous avons montré comment le roi Josaphat commit une erreur d'aller visiter son frère apostat, le roi d'Israël. Tulionyesha namna gani mfalme alifanya kosa kwenda kutembelea mfalme Akab ndugu yake mwenye kuacha imani. Et lorsque ce dernier le vit, il fit un grand festin pour lui. Wakati Josaphat alimuona, Akab alimuona, alimfanyia karamu munene. Et Josaphat s'était senti très flatté. Na Josaphat aliona kwamba walimpenda na kumbembeleza kwa huyu mtu mbaya. Et nous avons beaucoup insisté aussi là-dessus. Tuliweka tena mkazo sana pa ile mambo. Pour vous dire. Juu ya kumiambia. Qu'un véritable chrétien, ya kwamba mkristo wa kweli, une véritable chrétienne, mkristo mwanamke wa kweli, ne doit pas être dans la compagnie des rétrogrades, des apostats. Hawezi kupatikana mushiriki ya batu benye kuacha imani, batu benye kuanguka. Ils n'ont plus de choses en commun. Ana tena nabo mukimoya, ana nabo vitu moya. Ils n'ont plus les mêmes objectifs. Ana tena nabo vifukuzio moya. Quand quelqu'un a déjà abandonné la foi, wakati mtu anesha kuacha imani, il a le mépris de la parole de Dieu. Anakuwa na kadharau ya neno la Mungu. Et il a le mépris de Dieu. Na anakuwa na kadharau ya kumdharau Mungu. Et il a même le mépris de l'église et du peuple de Dieu. Anakuwa tena hata na kadharau ya kanisa na ya taifa ya Mungu. Et quand vous visitez un rétrograde, wakati unatembelea mtu mwenye kuacha imani kurudi mnyuma, il te parlera de manière à t'attirer dans ses ambitions. Ataongea na wewe mnamna ya wewe kukokota mbifukuzio yake. C'est vrai frère. Ndia kweli ndugu. C'est pourquoi quand quelqu'un a déjà quitté l'église, dokomana wakati mtu aisha acha kanisa, quelqu'un a déjà abandonné la foi, mtu laisha acha imani, vous n'avez pas le droit de faire des alliances avec lui. Amuna na ruhusa ya kufanya naye muungano. Vous n'avez pas de fréquentation à lui faire. Amuna na ruhusa ya kutembeleana. Je pense l'église a très bien suivi cela. Na waza kanisa inafuata mzuri. Il y a la deuxième erreur. Huko kosa ya pili. Que cet homme de Dieu a fait. Hii mtumishi wa Mungu alifanya. Mais avant de parler de cela, j'aimerais vous faire voir une chose ici. Bila ya kusema yule ya ile, napenda kumionyesha kitu kingine hapa. Bien que le roi Josaphat fût tombé dans un piège, hata vile mfalme Josaphat aranguka mumutego, il avait néanmoins la présence de Dieu dans son cœur. Avant d'aller en guerre pour récupérer cette portion de terre qui appartenait à Israël, Josaphat demanda au roi d'Israël Josaphat alimuomba mfalme wa Israeli d'aller d'abord consulter l'Éternel. Ya kwamba kwanza kumbi tumuulize mbele Mungu. Pour savoir quelle était la volonté de Dieu à ce sujet. Dieu akujua mapenzi ya Mungu mwile walipenda kufanya ilikuwa wapi. C'est un très bon comportement que doit avoir un véritable chrétien. Hii ni namna mzuri ya kutenda ile inapashi kuwa na Mkristo wote wa kweli. Avant de poser n'importe quel acte, mbele ya kutenda aizuru tendo gani, avant de s'engager dans n'importe quelle voie, mbele ya kujiingiza munjia yote yote, un fils de Dieu, une fille de Dieu, mtoto wa Mungu mwanaume na mwanamke, doit premièrement consulter la volonté de Dieu. Anapashi kwanza kuuliza mapenzi ya Mungu wapi. Il doit savoir que dit la parole de Dieu à ce sujet. Anapashi kujua neno la Mungu inasema kunini pa hii mambo. Lorsque le roi Josaphat fait cette demande à Akab, le roi d'Israël, akati Josaphat arimulomba huyu Akab mfalme wa Israeli, pour montrer que Akab était tellement éloigné de Dieu. Dieu a connu Shasema Kabar kwa mbari sana na Mungu. Au lieu d'aller chercher les véritables serviteurs de Dieu, par qui l'Éternel parlait, pari ya kwenda kutafuta mtumishi wa Mungu wa kweli kupitia yeye Mungu wa milele alikuwa anasema, mais Akab alla chercher ces 400 prophètes. Lakini Akab alienda kutafuta hawa wanabii 400 qui étaient au service de Baal. Wale manabii walikuwa wanamtumikia Baal. Les faux prophètes ont toujours existé tout le temps. Manabii ya bongo banekalaka kukila wakati yote. Et les faux prophètes ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service des individus pour des intérêts financiers et des intérêts matériels. Banabii ya bongo abekalaka beko na mutumikia Mungu, lakini banekalaka beko na tumikia bantu je abo bapate faida ya fedha wala ya bitu. Ils travaillent de manière à satisfaire leur maître. Banatumika munamuna ya kumpendeza bwana wabo wala chefu yabo. Quand les 400 prophètes furent amenés devant les deux rois, wakati abo banabii mia ine bari bapeleka mbele ya bafalme bawili, Akab leur posa la question de savoir si ils pouvaient aller et avoir du succès. Akaba ribauliza kama baripashi baende batawina ile vita au hapana. Remarquez comment ces gens se sont comportés. Tazameni namna kani hao watu walijibu. Tous les 400 d'un commun accord. Aba banabii bote mia ine. Masikilizano bakamwambia mfano. Monte. Mwendeni. Allez en guerre. Mwende mvita. Et Dieu vous donnera la victoire. Mungu atamipatia ushindi. Et même leur chef, Sédékias. Namunye mukuboyabo Sédékia avait fait des cornes, des trompettes de cornes. Arifanya maparapanda ya pembe. Et il disait avec ces cornes, nous allons disperser et vaincre nos ennemis. Arisema kupitia ima pembe, tutazambarisha wadui na kuwashinda. Une chose qui était entièrement fausse. Kitu kile kilikuwa kabisa kabisa kia bongo. Dieu n'avait jamais parlé à ces 400 prophètes. Mungu alikuwa ebalo kusemaka kamwe na aba manabii mia ine. Ils profitaient de leur propre chef. Barikuwa na faidia tu juu ya chefu yabo ule bapate kumsaada. Ils profitaient de leur propre volonté. Il parlait de manière à flatter le roi d'Israël. Et Akab se sentait flatté. Mais Josaphat, comme un homme de Dieu, alakini Josaphat yeye sawa mtu wa Mungu, après avoir suivi attentivement toutes les prophéties de ces 400 prophètes, kisha kufuata mzuri mzuri matabiri yote hawa manabii mia ine, il y a quelque chose qui sonnait faux dans son cœur. Pourquoi kitu kimoya kiko naendeka mumoyo wake kila aliona kikwendeke. Un homme de Dieu a un discernement. Mutu wa Mungu anekalaka na kutambua kwa roho. Un homme de Dieu ne se fie pas à des apparences. Mutu wa Mungu yeye ashichiki yake tu bile vikunaonekana nje bule hapana. Les apparences sont toujours trompeuses. Kuonekana kwa nje kila mara kunekalaka kwa bongo. Et souvent ce sont de fausses gens qui tombent dans les apparences. Na kila mara ni batu wa bongo njo wanangukaka mkule konekana kwa inje. Akab pouvait se frotter les mains dire, tu vois. Akab aripoweza ata kufurahi na kumwambia sasa unaona. Il pouvait dire à Josaphat, tu vois. Aripoweza ata kumwambia Josaphat, unaona. Mia ine ya manabii. Ils ont prophétisé d'un commun accord que nous aurons la victoire. Wanatabiri mukimoya ya kwamba tutapata ushindi. Mais le cœur de Josaphat était froid. Alakini moyo wa Josaphat haikufurahikiwe, ilikuwa baridi. Il lui dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Akamwambia, hakuna kuna nabii mwingine? Par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Kupitia yeye tunaweza kumuliza wa milele? Akab pouvait dire. Akab aliwezi hata kusema. Nous en avons déjà 400. Tukunabo mia ine bo hapa. Dans la démocratie, même s'il y en a un. Mu démocratie, hata kama kuku mwingine. Mais c'est elle. Ule moya ule. Ne peut pas avoir raison contre les 400. Hawezi kuwa na sharia kushindia wa mia ine. La majorité. Bantu ba mingi. Est valable lorsqu'ils ont Dieu. Inaikalaka na mafaa ba mingi wakati beko na Mungu. Quand la majorité n'a pas Dieu, ce sont seulement les instruments de l'ennemi. Akab, roi d'Israël, Akab, dit à Josaphat, mfalme wa Israël akamwambia Josaphat, il y en a un, huku mwingine moja tu, c'est Miché. Ni Miché, Mika. Mais cet homme-là, lakini ule mtu, n'a jamais été d'accord avec moi. Asikilizanake na mie. Il a de la haine contre moi. Anekalaka na nichukia. Et moi-même je l'ai. Na mimi mwenye nami namchuki. Le roi Josaphat, comme un homme spirituel, a compris. Mfalme Josaphat, sawa mtu wa kiroho alielewa. Il dit non, que le roi ne parle pas ainsi. Akasema non, mfalme usiseme vile. Tu ne peux pas dire que tu es cet homme-là. Hawezi kusema sema unachukia ule mtu. Parce que en Dieu, il n'y a pas de la haine. Juu ndani ya Mungu amkalaki chuki. Akab révélait déjà ce qui se cachait en lui contre ce qui est vrai. Akab alionesha kile kilikuwa kenye kuficha ndani yake ya kwamba anachukia vizuri vya vya. Quand un homme a déjà pris un chemin de la déviation, wakati mtu anesha chukua njia ya kwenda pembeni, ce dernier n'aime jamais la vérité, huyu mtu atapenda kama ukweli, et n'aime jamais les hommes de Dieu, na atapenda kamwe watumishi ya Mungu. Quand quelqu'un a déjà pris un chemin de la déviation, il aime potea. Les mensonges et les flatteries. Atapenda bia bongo na bia kumbembeleza nabio. Josaphat répondit au roi. Josaphat arimujibu mufalme. Qu'il vienne quand même, nous voulons l'entendre. Ata vile akuye mbele na yetu mushikie mbele. Parce que les sons de cloche que j'entends ne résonnent pas bien dans mon cœur. Moi j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu à ce sujet. Akab envoya des messagers pour chercher Miché. Akab alituma wajumbe bende wamtafute Mika. Miché. Mais pendant qu'il ramenait Miché vers les deux rois, wakati walikuwa namuleta ule Miché mbele ya wafalme wawili, le messager commençait à exhorter Miché en route. Bajumbe wakaanza kumsubutisha Mika munjia. Il dit, l'homme de Dieu, tu sais, wakamwambia mtumishi wa Mungu unajua, le roi t'a invité parce qu'il veut connaître la volonté de Dieu. Mfalme anakuita juu anapenda ajue mapenzi ya Mungu. Parce que bientôt là, ils vont s'engager dans une guerre. Mais tous les prophètes qui ont prophétisé avant toi, ils n'ont prophétisé que du bien. Ils ont encouragé le roi. Ils ont prédit sa victoire et sa bénédiction. Je te conseille, fais la même chose. Na wewe ufanye paka vile. Miché, comme un homme de Dieu dit, Miché, Mika, sawa mtu wa Mungu akasema, moi, je ne dirai que ce que l'Éternel mettra sous ma langue. Mie, ntasema paka kile wa milena ataweka pa ulimi yangu. C'est ça le bon comportement d'un véritable chrétien, d'un véritable serviteur. Ile ndio namna mzuri ya kutenda kwa mtumishi wa Mungu wa kweli wale kwa Kristo wa kweli. Peu importe ce que les gens disent. Aizuri kile watu wanaweza kusema. Peu importe ce que les gens croient. Aizuri kile watu wanaweza kuamini. Peu importe ce que les gens racontent. Aizuri kile watu wanaweza kuhisia. Ce qu'ils disent. Kama vile wako nasema. Ce qu'ils font. Vile wanafanya. N'est pas conforme à la parole de Dieu. Aliambatane na neno la Mungu. Ni mettez pas votre main. Wewe ushingishe mkono yako. Ils ont évolué. Bariendelea. Lorsqu'ils sont arrivés devant le roi, wakati barifika mbele ya mfalme, Akab lui posa la question de savoir quelle était la volonté de Dieu à ce sujet. Akab alimuuliza utoneshe mapenzi ya Mungu muhimu mambo iko wapi. Miché dit, ça va, vous pouvez aller, vous aurez du succès. Miché a dit, mwendeni, mutawina. Akashimamia pale. La première réponse qu'il donnait, jibu ya kwanza ile alileta, c'était la réponse qui venait des conseils qu'il avait reçus. Ilikuwa ni jibu ile litokea kwa ile shauri walimshauria munjia. Le roi Akab lui-même savait que, mfalme Akab yeye mwenyewe alijua ya kwamba, quand un véritable prophète de l'Éternel parle de la part de l'Éternel, wakati mtumishi wa Mungu wa kweli anasema kwa upande wa Mungu, il utilise toujours les ainsi dit le Seigneur. Et qu'on a tout mikisha kila mara musemo hivi Bwana Mungu anasema. Akab compris que ce n'est pas Dieu qui lui parlait. Akab na Josaphat wakaelewa kwamba huyu hana Mungu anamwambia. Il dit Miché, akamsema Mika, il faut combien de fois qu'on te fasse jurer de nous parler au nom de l'Éternel. Ni mara ngapi ile tutakulapisha utusemee jina ya milele. Et c'est ce que Miché attendait parce qu'il était un serviteur de l'Éternel. Donc il est Mika alikuwa anachunga juu alikuwa mtumishi wa Mungu. Et quand maintenant Miché voit la vision, wakati Mika aliona ono, il dit au roi Akab, akamwambia mfalme Akab, je vois l'armée d'Israël dispersé dans les montagnes. Minona jeshi ya Israeli na sambalala mlima. Comme des brebis sans berger. Sawa kondoo bila mchungaji. Je vois Israël dispersé comme des gens sans maître. Minona Israeli na sambalala sa bantu bashipo kwa na kiongozi. Et le roi Akab dit, tu vois, au roi Josaphat. Il ne prophétise jamais du bien. Il ne prophétise que du mal. Toi, tu vis dans le péché. Toi, tu vis dans la rébellion, dans la désobéissance de la parole. Comment veux-tu qu'on te prophétise du bien? C'est pratiquement impossible, c'est incompatible. Vous ne pouvez pas marcher dans la désobéissance et s'attendre à la bénédiction de Dieu, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Quand vous marchez dans le péché, vous marchez sous la malédiction. Et vous ne pouvez rien espérer de bien. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui marche dans le péché. Non, bien-aimé frère. Nos bien-aimés sœurs, quand vous marchez dans le péché, wakati unatembelea muzambi, Dieu n'est pas avec vous. Mungu ana pamoja na weye. Et Dieu ne bénira jamais ce que tu fais. Na Mungu hawezi kamwe kubariki ile kunafanya. Et aucun serviteur de Dieu véritable ne peut jamais te bénir, ne peut jamais t'encourager. Non. C'est une grande leçon qui est ici. Nous devons apprendre à marcher dans les voies de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Mais après que l'homme de Dieu est prophétisé de la part du Seigneur, Sédéchias, qui était le chef des 400 prophètes, il vient à côté de Miché. Il lui dit, mais toi, monsieur, akamwambia, weye Mika, par où l'Esprit de Dieu est sorti de moi, ni wapi kule roho ya Mungu ilitoka ndani yangu, pour te parler. Dieu ipate kuambia weye. Michel lui dit, Mika akamwambia, tu le verras lorsque tu commences. Tu le verras lorsque tu commenceras à fouiller. Lorsque tu commenceras à fouiller l'ennemi en là se cachant de chambre en chambre. Parce que quand Dieu parle, la chose s'accomplira littéralement selon ce qui est sorti de la bouche du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez jamais être flattés par de fausses prophéties. acceptez toujours qu'on vous dise la vérité, même si elle est contre vous. Mais regardez ces gens. Des mercenaires qui prophétisaient les pensées de leur cœur, comme étant dit, ainsi dit le Seigneur. Ils ne comprenaient pas les voies de Dieu. Après que Sédéchias s'est opposé à Michée, Michée, pour assurer que sa vision venait de Dieu et qu'elle était conforme à la parole de Dieu, parce que les prophètes qui avaient prophétisé avant lui sur Akab n'avaient pas prophétisé la bénédiction sur Akab, mais le prophète avait prophétisé la malédiction. Michée dit au roi Josaphat et Akab. Il commence par les raconter la vision qu'il avait vue de la part du Seigneur. Il dit, j'ai vu Dieu assis en conférence avec ses anges. Et Dieu a posé la question au conférencier de savoir qui il enverrait pour aller séduire Akab afin qu'il soit tué. Na Mungu akauliza wale alikuwa nao mshauri yake ya kwamba ni nani ule mtatuma atakuwa mtongozi puisse accomplir. Ni nani ule mtatuma ajue apate kutongoza Akaba ili unabii timilike na apate kutongozwa anakufe. Mais chaque ange, kila malaika, l'un répondait à sa manière. Mmoja alikuwa anajibu namna yake. L'autre répondait à sa manière. Mwingine naye namna yake. J'ai vu un esprit de mensonge. Un esprit qui venait de l'abîme. Miliona roho ya bongo ile ilitokea mushimo. Et qui s'est présenté devant l'Éternel. Na ilisimama mbele ya wamilele na kusema. Seigneur, moi je suis un candidat. Bwana mimi niko tayari. Moi j'irai. Mimi nitaenda. Et je séduirai Akab. Tenda mutongoza. Pour qu'il aille mourir. Tenda mutongoza Akab juu apate kwenda kufa. Et Dieu lui a posé la question de savoir comment il agirait. Mungu alimuuliza utenda kutenda namna gani. L'esprit de mensonge dit, comme je suis un esprit de mensonge, j'irai dans les 400 prophètes, je les séduirai pour qu'ils disent des mensonges, afin de convaincre le cœur du roi Akab qu'il aille en guerre pour que la parole de l'homme de Dieu s'accomplisse. Frère, un seul esprit de mensonge a œuvré dans 400 prophètes. Il est tombé quand Daniel m'a dit mia. Un seul esprit. Romo y a tout. Et ils ont prophétisé de la même manière. Navali tabiri namuna moya moya tout. Mais comme Josaphat avait Dieu, il avait discerné que l'esprit qui était sur les 400 prophètes n'était pas l'esprit de Dieu. Kama vile Josaphat alikuwa na Mungu, aliona kutambua kwa roho ya kwamba ile roho ilikuwa inatumika kwa Mungu. Si l'esprit de Dieu. Kama kuna roho ya Mungu, Dieu vous donnera toujours la connaissance de ce que son esprit fait. Mungu atakupatia ufahamu upate kujua kile roho yake kunafanya. Et vous serez en communion avec l'esprit de Dieu qui est sur quelqu'un d'autre. Utakuwa katika ushiriki na ile roho ya Mungu yenye kwa kusema ndani ya mtu mwingine. Vous saurez si un homme agit par l'esprit de Dieu ou par un esprit de l'ennemi. Na utatambua kama ule mtu anatumika kupitia roho ya Mungu wala roho ya adui. Mais voilà c'est ce qu'a fait exactement les 400 prophètes de Jokile, kilifanya awa manabii 400 wa Akab. Un esprit de mensonge est descendu. Roya bongo irshuka. Il les a séduits. Il les a tongoza. Il a convaincu le roi Akab. Il a kikisha moyo wa mfalme. Et le roi Akab est allé. Na mfalme Akab alienda muvita. Maintenant regardez l'erreur de Josaphat. Sasa tazameni kosa ya Josaphat. Après que l'homme de Dieu lui ait déjà montré la vision. Kisha mtumishi wa Mungu kumuonesha ono. Comme il était déjà corrompu. Sawa vile alikuwa ni kakato milomo. Aliona kwamba il avait une dette morale. Alikuwa na ndeni. Envers Akab. Mbele ya Akab. Il s'est laissé entraîner dans cette guerre. Aliachilia kumsukuma yule vita. Perdre sa vie. Mula ali tafuta ta kufa. Si ce n'était pas Dieu qui l'avait protégé. Kama ingekuwa Mungu alimlinda. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Voyez frère, n'ayez pas de dette envers les gens. Musikwe na mandeni ya bantu. De dette morale. Mandeni ya muro. Parce que quelqu'un t'a fait ça, Dieu a dit il t'a payé un vêtement, il t'a donné à manger, il t'a donné l'argent. Maintenant, tu te sens redevable devant lui. Mandeni ya watu mulipa. Même dans les fausses choses. Atamu bintu vya bongo. Tu es obligé de dire oui, oui. Unalazimisha uitikie. Parce que tu es corrompu. Juvanesha ukata milomo. Si tu dis non. Kama ukikatala. Tu seras comme un hypocrite ou un ennemi devant lui. Utakuwa sawa munafiki wala adui wake. Non, bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non, bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Josaphat. Malgré que Miché avait déjà donné le signe du Seigneur. Comme il se sentait maintenant redevable à son roi et à son ami, à son collègue, il s'était déjà lié par des paroles. Moi et toi, nous irons. Mon peuple comme ton peuple, nous irons. Barikomanisha kuungana kupitia misemo ya kwamba wewe na mimi tutenda taifa yangu na yako tutenda. Il avait la viande grillée dans son ventre. Alikuwa na nyama ya ukalanga neshakula mtumbo. Voyez. Mnaona. Maintenant il ne pouvait plus se défaire. Sasa kuwezi tena ukatala. Maintenant avant d'aller, mbele ya kwenda, Akab dit je vais me déguiser. Akab akasema kumi mita fuchama. Mais toi tu vas porter les habits royaux. Weye uvale manguo ya bufala. Ouais, c'était méchant. Ni mtu mbaya. Voyez pourquoi il s'est déguisé. Unaona janini alifuchika uso. Il voulait se protéger contre l'ennemi. Alipenda alikinge kwa adui. Mais que le roi Josaphat soit tué. Mufalme Josaphat yeye bamuue kwa fazi yake. Regardez comment il agit. Mais le piège qu'il avait tendu à Josaphat, il est monté à Josaphat, est retourné contre lui-même. Josaphat s'est habillé en vêtements royaux. Josaphat a dévoilé ma face à Bufalme. Et lui s'était déguisé. Ça c'est Akab anafuchika uso. Mais regardez comment Dieu a tourné les choses. Ça s'amène namna kani Mungu alibadilisha. Le roi de Syrie, Bufalme wa Syria, donna l'ordre à ses serviteurs, à ses soldats. Akapatia gizo wa askari yake. Maintenant, cette bataille, akasema hii vita, est exceptionnelle. Ni ya upekee. Voilà l'ordre que je vous donne. N'attaquez ni petit ni grand. Une seule personne qu'il faut attaquer dans cette bataille, c'est Akab, le roi d'Israël. Akab, mfalme wa Israël. Ne vous occupez pas de tout le monde. Vous cherchez seulement Akab. Et lorsque les deux armées sont allées au front, wakati majeshi mbili ilienda muvita, les soldats syriens, en voyant Josaphat bien habillé comme un roi, ils pensaient que c'était lui le roi Akab. Waskari wa Syria wakati walimuona Josaphat anavala vya mfalme, waliwazesa yeye ndio mfalme. Et après avoir bouclé le roi Josaphat, kisha kumuzunguka mfalme Josaphat, et Josaphat se sentait maintenant en insécurité. Sasa Josaphat alikuwa na mshindo wake mubamba. Il cria. Alilalamika. Il demanda le secours de l'Éternel. Akaomba msaada wa milele. Dieu le secouru. Mungu alimsaidia. Quand il cria, wakati alilalamika, l'armée de l'ennemi comprit que non, celui-ci n'est pas le roi. Jesse a ce n'est pas Akab, non. Notre commandant nous a dit, c'est seulement Akab. Nous connaissons la voix d'Akab. Mfalme wetu anatuambia aseme ni pas Akab. Hii haina sauti yake. Tunamjua Akab na sauti. Dieu s'est couru de la part. Mungu alimsaidia Josaphat. Et éloigna l'armée de l'ennemi. Na alimwepusha ile Jesse ya adui. Mais comme il était déguisé, un soldat Syrien, miraculeusement par hasard. Alituma tu mshale kwa ghafla tu hivi, kwa kubatisha. Na mkuki ilienda frappa le roi Akab. Na ikampiga ule mfalme Akab. Un endroit qui n'était pas protégé. Mafazi ila shikulifiche. Et la guerre s'était engagée, c'était une dure bataille. Na vita ilikuwa ya nguvu. Akab se voyant touché. Na kama vile aliona sa mkuki na mbamba. Il dit à celui qui portait ses armes. Akambia ule alimchukulia silaha. Il dit. Akamwambia. Éloigne-moi du champ de bataille. Unitoshe pa hifadhi ya vita. Il était gravement touché. Aliguswa kabisa kabisa, aliumizwa vikali. Il n'y avait aucun soldat qui pouvait s'occuper de lui. Akukua askari hata mmoja kumsaidia. Il est resté dans son char. Alibakia mugari yake jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Kufika na pale alikufa. Et quand Akab est mort, wakati Akab alikufa, Israël s'est dispersé. Israël a rizambalala. Parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Ilipasha paka neno la Mungu itimilike. Oui, bien-aimé frère et sœur. Dio, duku na dada mpendwa. Et Josaphat est obligé de fuir et de rentrer. Josaphat alilazimisha akimbie na arudie. Si ce n'était pas Dieu, kama ingekuwa Mungu, qui avait secouru, unarimsaidia, l'homme de Dieu, le roi Josaphat, mtumishi wa Mungu mfalme Josaphat, il serait mort. Angekufa. Vous voyez, mnaona? Et il allait mourir bêtement. Alipashi kufa sa mtu mbumbafu. Dans une affaire qui le concernait. Mumambo yashipo kwa yake. Bien-aimé frère et sœur. Wapendo wa ndugu na dada. Josaphat est rentré. Wakati mfalme Josaphat alirudi, Dieu lui envoya son messager pour lui dire. Mungu akamtumia mjumbe wake na kumwambia. Josaphat, je suis fâché contre toi. Josaphat, mimi nakusirikia wewe. Parce que tu es allé secourir un méchant. Juu ulienda kusaidia mtu mbaya. Bien-aimé frère et sœur. Wapendwa ndugu na dada. Un chrétien. Mu Kristo. Ne va pas au secours des méchants. Enda ke kusaidia mutu mubaya. Non, bien-aimé frère. Apana nduku mpeni. Ça ne doit pas être ainsi. Aipashi kufanika vile. Akab avait ce problème avec Dieu. Akab alikuwa na mambo na Mungu wake. Il vivait méchamment. Alikuwa naishi mbaya msawu mutu mkaidi. Mais le voilà maintenant aller chercher un homme juste pour le secourir. Sasa tazama anaenda kutafuta mtu wa haki, mtu wa kunyoloka juu amsaidie. Et l'homme juste vient le secourir. Na mtu mwenye kunyoloka na kumsaidia. Mtu Mungu asikumfurahikie yule mtu wa haki. Chaque fois, kila mara que vous allez secourir, wakati ile unaenda usaidia, un homme qui s'est déjà révolté contre Dieu, mtu anesha mtombokea Mungu, tu auras des ennuis avec Dieu. Utapata mambo na Mungu. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des gens comme des punitions de Dieu, comme des malédictions de Dieu. Quand il y a une malédiction de Dieu sur quelqu'un et que vous tentez, vous allez tenter d'enlever cette malédiction, c'est toi qui auras des problèmes avec Dieu. Dans 2e Chronique au chapitre 19. Mambo ya siku ya pili sura 19. Dans son verset 1, commençons par là. Mustari ya kwanza tuanzie pale. Josaphat, roi de Juda. Josaphat mfalme wa Yuda. Revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Akarudie msalama mu nyumba yake Jérusalem. Fils de Anani. Jehu mwana wa Anani nabii. Alla au devant de lui. Akaenda mbele yake. Et il dit au roi Josaphat. Akamwambia mfalme Josaphat. Doit-on secourir les méchants? Eti tunapasha tusaidie mtu mbaya? Aimes-tu ce qui haïssent l'Éternel? Eti wewe unapenda bali banamchukia wa milele? À cause de cela, juu ya ile, l'Éternel est irrité contre toi. Wa milele anakushirikia. L'église est avec moi? Kanisa nafuata. Doit-on secourir les méchants? Eti, tunawezi kusaidia mtu mbaya? Aimes-tu ce qui haïssent l'Éternel? Eti wewe unapenda wale wanamchukia wa milele? Frère, nduku, Les gens qui haïssent l'Éternel, nous devons nous en éloigner. Ne vous rapprochez pas des gens qui n'aiment pas la parole. Mushikaribie bantu basho kupenda neno la Mungu. N'allez pas secourir les gens qui n'aiment pas la parole. Ne vous mêlez pas à leurs affaires. C'est vrai. C'est une faute que cet homme de Dieu a commis. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore un voyage parmi les peuples. Depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Ephraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Na akawarudisha kwa milele Mungu wa baba zao. Mnaona? Josaphat réellement aimait l'Éternel. Josaphat kweli alimpenda wa milele. Dieu ne l'a pas tellement secoué. Mungu ashikumtikize sana. Au de son cœur qui était attaché à Dieu. Kwa ajili ya moyo wake ilikuwa yenye kuambatana na Mungu. Quand quelqu'un est attaché à Dieu. Wakati mtu anambatana na Mungu. Les erreurs qu'il commet. Makosa ile kuna kotola. Dieu n'en prend pas tellement en compte. Mungu ashihesabie tu sana. Il est châtié. Mais il garde sa bonté sur lui. Alakina anachunga wema wake yule yake. Quand un homme juste commet une faute, wakati mtu wa waki anakosa, Dieu le châtie pour la faute, mais sa grâce ne peut pas s'éloigner de lui. Alakini neema yake sa bonté ne peut pas s'éloigner de lui. Wema wa Mungu hawezi kutoka. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa nafuata. Comme il s'est trouvé de bonnes choses en vous. Ça va faire l'endani ya kumuku bitu bizuri. Dieu n'a pas ôté sa bonté sur lui. Mungu ashikutoshe wema wake yulu yake. Oui bien aimé frère et soeur. Dio nduku na dada mpeni. C'est la deuxième faute que cet homme de Dieu a fait. Ninjo kosa ya pili huyu mtumishi wa Mungu alifanya. Ne vous mêlez pas dans les affaires des impies. Mumambo ya batu baofu. Ne vous mêlez pas. Ne vous associez pas avec eux dans ce qu'ils veulent faire. Nabo mobile beko napenda kufanya. Et la troisième erreur qu'il fit. Na kosa ya tatu alifanya. Il est allé s'associer avec les impies dans les affaires. Arenda kuungana muungano na batu baovu mu biashara. Dieu n'a pas apprécié cela. Mungu ashikufurahikie ile. S'associer dans les affaires. Kufanya muungano mu biashara. Avec les impies. Na batu baovu babaya. Dieu n'aime pas cela. Mungu ashipendake vile. Lorsque vous vous associez avec les impies dans les affaires, sachez que Dieu va détruire tes activités. L'église est avec moi. Quand vous faites les activités, restez avec Dieu. Dieu bénira vos activités. Mais lorsque vous prenez ton argent, vous prenez vos activités, vous associez avec un impie, un méchant, Dieu va détruire tes activités. Dieu t'a béni. Mungu anakubariki. Tu travaillais seul. Ulikuwa unatumika peke yako. Dieu te béni. Mungu anakubariki. Mais continue à travailler seul avec Dieu. Uendelee kutumika peke yako na Mungu. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Ndio pale watu mingi abaelewe. Maintenant que Dieu t'a béni seul. Sasa hivi Mungu alikubariki peke yako. Vous voulez encore par cupidité. Kwa tamaa ya fedha. S'associer avec des impies. Unapenda mfanye mambo. Unapenda beaucoup d'argent. Na watu bao viju. Dieu n'apprécie pas cela. Mungu ashipendake vile. Vous voyez bien mes frères. Quand vous vous associez dans les affaires avec des fausses gens, avec des impies, Dieu détruira ton activité. C'est ce qu'il a dit. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Mambo ya siku ya pili sura yake ya makumi mbili. Dans son verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec les rois d'Israël, Akazia, c'est-à-dire les fils d'Akab, dont la conduite était impie. Kisha ile Josaphat mfalme wa Yuda akafanya muungano na mfalme wa Israeli Akazia, ule alikuwa na mwenendo ya uovu. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Akaungana naye muungano njoo apate kujenga merekebu ile walipenda yende ku Tarsis. Dans son verset 37. Alors, Eliezer fils de Dava. Na kisha huyu Eliezer mwana wa Dodava de Maresha na wa Maresha prophétisa contre Josaphat et dit, akamtabiri Josaphat na kumwambia, parce que tu t'es associé avec Akazia, Dieu détruit ton œuvre. Sawa vile unafanya muungano na Akazia, Mungu anaharibu kazi yako. Et le navire fut brisé et il ne put aller à Tarsis. Na ile merkebu ilivunjika haikuwezi tena kwenda ku Tarsis. NMP, mtu mwovu, c'est quelqu'un qui a le mépris de la reine de votre religion. Ni mtu ule kona kadharau ya dini lako. Il a le mépris de Dieu. Eko na kadharau. Il a le mépris de la parole. Eko na dharau neno la Mungu. Comment tu peux te mêler? Namna kani utaungana? Avec quelqu'un qui méprise ton Dieu. Na mtu ule na méprise la parole. Mungu wako. Qui méprise ta foi. Neno la Mungu. Na mtu ule fedha za faraka. Mnapenda mfanye naye biashara? Non bien aimé frère et sœur. Hapana ntuku na dada mpendwa. Un impie, mutu muovu, c'est quelqu'un qui méprise Dieu. Ni mutu ula na mbeula Mungu. C'est quelqu'un qui méprise ta foi. Ni mutu ula na beula imani yako. C'est quelqu'un qui n'aime pas la parole. Ni mutu ula sipende neno la Mungu. C'est quelqu'un qui marche dans le péché. Ni mutu ula anatembea mzambi. C'est quelqu'un dont son cœur est attaché au démon. Ni mutu ule moyo wake anambatana na mademona. Il ne trouve pas du plaisir dans la loi de l'Éternel. Ni ashifurahikie neno la Mungu. Dans vos affaires, biashara yenu, ne vous mêlez jamais. Mshichangane avec des impies. Na batu baovu. Quand vous associez dans les affaires avec les impies, vous allez perdre votre argent. Ta poteza feza lako. Si vous mélangez vos affaires des champs, ukichanga biashara yako ya mashamba, munachanga makuta na mtu mwovu, vous associez votre argent avec les impies pour faire les champs. Na ile franga utaipoteza. Cet argent là vous allez le perdre. Unachanga franga na mtu mwovu. Associez l'argent avec un impie. Dia kwanza kwenda kukuza bya kuuza na marchandise. Ile makuta utaipoteza. Cet argent vous allez le perdre. Associez-vous avec quelqu'un qui craint Dieu. Mufanye muungano na ule mtu anamwogopa Mungu. Il n'y a pas de relation entre un juste et un méchant. Katikati ya mwenye haki na mzalimu, hapana, mtu mbaya. Il ne doit pas y avoir de relation entre un croyant et un croyant. Non. Ya mwaminifu na wasipo mwaminifu. Un homme qui est dans la foi est un apostat. Non. Mtu mwenye kwa muimani na ule anishanguka muimani, hapana. Quand vous vous associez avec les NMP, sachez que tu as détruit tes activités. Ujua kwamba unaharibu kazi yako. C'est ce qui est arrivé à Josaphat. Njoo ile ni mufikia Josaphat. Mais un homme bon, lakini mtu mwema, un homme correct, mtu wa kunyoloka tu, un homme qui craignait le Seigneur, mtu ule alikuwa na mwogopa wa milele. Mais dans son comportement, lakini mnamo na kitenda, il n'a pas aussi compris. Naye asikuelewe. Écoutez comment frère Branham dit. Comment frère Branham parle. Musikilize namna ka ndugu Branham anasema. Dans le message l'invasion des États-Unis. Mu ujumbe kwa ribika kwa. Dans son paragraphe 55 il dit. Nukta makumi tano na tano. Dans son paragraphe 53, il dit, Kwanza, Josaphat, lui, était un homme juste. Il était le fils d'Asa. Asa était un homme juste. Asa, il avait renversé tous les hôtels des idoles. Il avait élevé les hôtels de Jéhovah. Et il était en période de réveil. En quelque sorte, là-bas, en Juda. Mais écoutez, sasa sikilizeni. Au bout de quelques temps, kisha muda fulani, Josaphat ou plutôt Akab a envoyé quelqu'un, akatuma Musa, et il a trouvé une autre étendue du pays, akapata en Syrie, sehemu nyingine ya nchi, donc Syria. Il s'est mis en tête qu'elle lui appartenait. Ya kwamba ile kipande ya nchi ilikuwa ni yake. Il s'est mis en tête qu'il allait s'en emparer. Alwaza kwamba anapasha. Alors il a demandé à ce Josaphat s'il Josaphat voulait venir kama, et faire une alliance avec lui. Kama anaweza kuja apate kufanya naye muungano. Écoutez maintenant comme frère Branham dit. Sikilizeni vile ndugu Branham anasema. Et évidemment, hakika, il y a un grand danger. Kuko hatari munene. Là vous voyez, munaona pale quand il voyait ce grand roi Akab là-bas. Et il voyait ce grand roi Josaphat ici. L'un était tiède. Et l'autre était rempli de l'esprit. Écoutez très bien. Faites attention au genre d'alliance que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. De vous mettre sous le joug avec des incroyants. Restez purs, spécialement dans le jour où nous vivons. Surtout dans cette période où nous sommes. Éloignez-vous de toutes les alliances avec les impies. Vous voyez, au paragraphe 59, oh Josaphat, Japo, c'était senti assez flatté. Josaphat a dit, mais c'est que le grand roi d'Israël avait dit, viens me rendre visite. Alors, il est descendu là. Et ils ont pris des bœufs et des brebis. Et ainsi de suite, ils ont offert des sacrifices. Tout ce temps-là, il wakati yote, au fond de son cœur, nani upande wa moyo wake, là Akab était un imposteur. Wake yeye Akab alikuwa mtu asipokuwa mwimani. Un imposteur, un séducteur, un méchant, mutongozi, mutumbaye. En effet, il ne rendait pas ce culte-là. Asikuwa nafanya ile ibada ile. Vous voyez, unaona, ou n'offre pas ce brebis-là et tout. Avec un cœur sincère. Car après tout, il penchait plus pour la religion de sa femme. Vous voyez, Josaphat n'avait pas aussi compris. Vous voyez, quand quelqu'un a déjà abandonné la parole, ne pensez pas que vous allez le ramener. L'église est avec moi. Quand quelqu'un est apostat, un apostat c'est celui qui a déjà abandonné la foi. Wakati mtu anayeacha imani, il s'est déjà engagé dans une autre voie. Anashadingiza munjia ingine. Dans laquelle il se plaît. Mula anajifurahisha. Et quand quelqu'un a déjà abandonné la foi, c'est difficile à ce dernier de retourner dans le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il se flatte dans une nouvelle voie. Akab. C'était déjà engagé dans la voie de sa femme. Il faisait tout pour plaire à sa femme. Il lui avait déjà construit les hôtels de base, de Bâle, de Dieu Soleil, et il aimait cela. Même quand il invite Josaphat, ce n'était pas pour que qu'il rentre à Jéhovah. Il ne l'invitait pas pour qu'il se répande, qu'il dit j'ai mal agi, maintenant je comprends, je vois comment Dieu t'a béni, je me répande, je vais retourner à Jéhovah, je vais quitter la voie des idoles. Non. Au contraire, Akab voulait attirer Josaphat dans sa voie. Akab alipenda mkokotee Josaphat munjia yake. Un apostat, mtu mwenye kuacha imani, voudra t'attirer dans sa voie. Atapenda kukokote munjia. Les apostats veulent être nombreux dans leur voie. Wenye kuanguka muimani wanapenda kama kwemba mingi munjia yao. Ils ont le mépris de la religion. Beko na kubehula kwa dini. C'est pourquoi quand vous tombez dans ces pièges comme ça, ukianguka mteko ya vile, vous êtes seulement maladroit. Huko tu wasi pa kutembea mzuri. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs tombent dans cela. Banduku mingi na badata mingi bananguka kwa mteko ya vile. Et je insiste encore ce soir. Na weka hapo tena mkazo. Comme est arrivé, nous allons continuer. Leo. Ne faites pas des alliances avec les apostats. Mushifanye muungano na watu wenye kuanguka muimani. Il ne faut jamais secourir les apostats. Aipashi kama kusaidia watu wenye kuacha imani. Ne pensez jamais que vous allez convaincre un apostat à revenir dans la foi. Souvent les apostats abandonnent volontairement la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours ils abandonneront la foi. Les gens qui marchaient dans la foi, ni batu wale walikuwa na kujua mumani, la vérité. Anajua ukweli. Voyez, mnaona. Akab était fils d'Abraham. Akab alikuwa mwana wa Ibrahim, mumwini. Il connaissait bien la loi de Dieu. Alijua mzuri sheria ya Mungu. C'est lui qui avait pris volontairement la décision d'aller épouser Jézabel et de marcher dans les voies de Jézabel. Alichukua mipango ya kuoa Jézabel na kutembea munjia Jézabeli. C'est ce que Josaphat n'avait pas compris. Jogile Josaphat ashikuelewe. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous allons commencer par ici demain. Tutaanzia hapa kesho. Voyez. Munaona. Ne faites pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. Quand quelqu'un a déjà abandonné la parole, éloignez-vous de lui. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autre terme pour exprimer cela. Comme un muntu anesha kuacha imani. Si quelqu'un a abandonné la parole, anatoka tena kumukaribia. Il faut plus s'approcher de lui. Cette personne anakuwa na sumu yule ya ulimi yake. Pourquoi? Le service que quelqu'un peut te rendre. Ne se sentez jamais être flatté par un apostat. Ushidisikia kwamba mtu mwenye kuacha imani anakupenda pana. C'est pas la voie de la flatterie. Ni kupitia ile njia ya kubembeleza. Tente de pièges aux gens. Jo ile batu wenye kuacha imani beko na tekea batu miteko. Quand ils te voient, oh l'homme, ma sœur, mon frère, ça fait longtemps. C'est Dieu qui a permis que nous nous croisons aujourd'hui. Quand vous les rendez visite, oh c'est Dieu qui t'a envoyé. Aujourd'hui toute la journée je ne pensais qu'à toi Dieu. Arranger les choses. Comme la Bible dit, Dieu conduit les pas des justes. Ni bien bongo. C'est faux tout ce qui te dit. Prions. Tuombe.